Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La colère des Saint-Terres brésiliens, lutter pour la propriété. Dans son numéro du 4 avril 1936, la Correspondance Internationale, un journal produit sous la responsabilité de l'Internationale communiste, propose une lettre envoyée par Luis Carlos Pretes, militant communiste, présenté comme combattant contre le féodalisme au Brésil. Voici ce qu'il écrit. Sans l'anéantissement des latifundias, sans la complète destruction du régime féodal sous lequel nous vivons, il est impossible de consolider la victoire sur l'impérialisme. Oui, voilà ce qu'il écrit, une image du Brésil bien loin de la carte postale. Bouquet de soleil, c'est le Brésil, pays de la joie de vivre mais aussi d'avenir. Du carnaval de Rio aux mines de fer, tout là-bas est contraste et émerveillement. Terra incognita, Atlantide retrouvée, où l'enfer vert devient déjà douceur de vivre. Contraste et émerveillement au Brésil lors de la foire de Marseille en 1972. Bonjour Susanna Bley. Bonjour. Contraste et émerveillement, bien sûr, au Brésil. Contraste dans la violence même de cette histoire. Peut-on dire que l'histoire brésilienne est une histoire agraire? Depuis la colonisation, c'est une question de propriété de la terre. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que la terre, elle est l'enjeu majeur des Brésiliens. Depuis toujours. Parce que la colonisation, c'est ça, j'ai cité juste en introduction d'émission ce mot latifundia. C'est quoi ces latifundias? Latifundia, c'est un grand domaine, à peu près, selon la loi, de plus de 500 hectares. Donc c'est de grands domaines. Et ils apparaissent dès la colonisation, en fait, ces grands domaines? Oui, en fait, dans la colonisation, il y avait les capitaneries héréditaires. Donc c'était pendant la colonie, donc c'était vraiment là des grands, grands domaines qui finalement, ils ont échoué. Mais à l'époque, donc il y avait les capitaneries, il y avait aussi les Seis Marias. Donc c'était une sorte de ferme d'actualité. Donc, et qui était... Il faut noter que c'était pas donné, c'était prêté pour les rois du Portugal. Parce que si la personne n'était pas proche, donc, du roi, il pouvait bien les prendre. Donc, déjà, là commence la question de faveur et de, on va dire, clientélisme. Oui, des grandes propriétés. Données, prêtées, plus exactement, dont on trouve les vestiges, les échos aujourd'hui, ces grandes propriétés. Alors, pas les mêmes, mais la notion de grande propriété, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'histoire agraire du Brésil. Oui, je dirais même que c'est une culture de la grande propriété. C'est comme si pour un Brésilien, c'est normal d'avoir, par exemple, un pays comme le Portugal, comme propriété à soi. C'est normal. Donc, cette culture, ces valeurs, non, qui est, on peut, par exemple, regarder notre propriété et dire, bon, tout ça, depuis l'horizon, c'est à moi. Cette idée d'avoir la propriété, d'avoir ce domaine, presque comme une sorte de pharaon, non, c'est ça, cette idée d'être fort. C'est comme si le fait d'être propriétaire, ça donnait aussi la virilité et aussi les pouvoirs à ces gens-là. C'est très important tout ça de le souligner parce que nous sommes sur une histoire également sociale. Susanna Bley, vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'Université du Havre et ce regard que l'on porte sur la propriété foncière n'est pas uniquement une question de propriété et de gros sous, c'est une question humaine. D'ailleurs, ces grands propriétaires, qui sont-ils? C'est l'élite portugaise venue dans un premier temps du Portugal? Qui sont ces propriétaires? Récemment, il y a eu un livre qui a été donc les partis de la terre. Donc, on découvre que les députés, né, à la Chambre des députés à Brasilia sont aussi des grands propriétaires. Donc, c'est comme si d'être propriétaire, c'était aussi être propriétaire de la loi. Né? Et on peut dire aussi que on va parler tout à l'heure du travail de type esclave d'actualité. Dans ces propriétés-là, il y a des travails de type esclave. Donc, c'est un peu un paradoxe. Ce sont des gens qui sont censés faire la loi et dans leur propre propriété, il y a du travail de type esclave. Ouais, et cette histoire-là qui nous intéresse aujourd'hui, hein, celle de la propriété au Brésil, c'est une question de géographie aussi, et ça tombe bien, nous avons un géographe avec nous dans le cours de l'histoire. Bonjour, Hervé Théry. Bonjour. Je disais que l'histoire du Brésil est une histoire de la propriété foncière, une histoire agraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Ah, tout à fait. Et au moins jusqu'aux années 30, la terre était la richesse avec le café et d'autres choses. Et ça n'est qu'après que le Brésil s'est industrialisé. Mais je suis tout à fait d'accord avec Suzanne. Tous ceux qui gagnent un peu d'argent, même dans d'autres domaines, ont à cœur de s'acheter une propriété pour pouvoir parader à cheval avec un grand chapeau et d'être face. Et donc, c'est lié avec la terre. Cette histoire lointaine, on voit bien que ce sont aussi nos représentations. C'est-à-dire que les gens ont leur représentation à cheval avec un grand chapeau. Et puis, ce sont les représentations que nous avons du Brésil. Mais Hervé Théry, il ne faut pas que cette image-là des grandes propriétés dissimule une réalité. C'est-à-dire qu'il y a la culture vivrière. La terre est cultivée de plein de manières possibles au Brésil. Oui, plusieurs, et au moins deux, et ça vient d'être sanctionné par le gouvernement Lula, qui a rétabli, comme c'était le cas avant lui, deux ministères. Un ministère de l'agriculture pour la grande culture et les exportations, et un ministère du développement agraire et de l'agriculture familiale pour la petite agriculture. Il y a plusieurs systèmes, mais massivement deux. Et deux ministères, alors? Oui. Ça souligne bien, hein, dichotomie de l'agriculture au Brésil. Avec ces grandes propriétés, mais Hervé Théry, toujours le besoin du regard du géographe, quand nous parlons du Brésil, nous parlons de territoires extrêmement vastes. Est-ce que l'on doit apporter des nuances, en fait, sur cette grande propriété? Elle n'est pas la même partout au Brésil. Non, mais je vais juste donner une idée pour vous et pour les auditeurs. J'ai visité plusieurs fois et décrit dans mon blog une propriété qu'on peut appeler d'assez grande, 250 000 hectares, sur laquelle on arrive à cultiver 420 000 hectares de plusieurs choses, puisqu'on peut faire deux récoltes dans l'année. Donc soja, coton, maïs. Et avec ça, on peut faire un petit peu d'élevage, 90 000 têtes. Et puis dans les creux humides, on fait un petit peu de poisson en aquaculture, 11 tonnes par jour. Ça vous donne un peu l'idée. Ah oui, oui, non, mais du 11 tonnes par jour de poisson, et quand on entend le cheptel lié à ces grandes propriétés, là, d'un coup, on se dit, mais il y a du monde qui travaille. C'est cette question-là aussi, Susanna Bley, qui nous intéresse. C'est qui travaille pour cette agriculture? Ces grandes propriétés emploient beaucoup de monde? Oui, c'est sûr que depuis la modernisation de l'agriculture, donc pendant la dictature militaire, il y a eu la modernisation, donc l'achat des tracteurs, etc. Donc il y a eu beaucoup de travailleurs qui ont été donc expulsés de ces fermes. Mais il y a encore, bien sûr, beaucoup de salariés dans ces fermes. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a les travails type esclave, parce qu'il y a une sorte de culture, une culture que le travail d'un ouvrier agricole n'est pas exactement juste. C'est pas que c'est juste, c'est l'idée de droit, le droit au travail, parce que c'est les années 63 exactement qui est établi donc la loi du travail pour un travailleur agricole. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. Cette histoire du Brésil est une histoire complexe, il faut peut-être la rappeler. La République, c'est à la fin du 19e siècle, mais République ne signifie pas démocratie. Au cœur du pouvoir au Brésil, hein, durant toute l'histoire, mais ce 19e siècle et encore au 20e siècle, la question agraire, c'est une vraie question politique. On le sent bien, hein, Susanna Bley, il y a des réformes agraires. C'est un questionnement de dire comment fait-on pour donner des terres aux gens pour qu'ils puissent cultiver, voire survivre. Les débats sur la réforme agraire arrivent au Brésil justement dans les années 50 avec Cuba et avec tous les changements historiques dans le monde entier. Non, à ce moment-là, commence à avoir l'idée que c'était pas juste, né, d'avoir des domaines comme Hervé Théry vient de nous parler. Donc, à ce moment-là, il y a les partis communistes à la campagne et l'Église. Donc, c'est deux acteurs qui vont travailler avec ces ouvriers agricoles pour lui donner la notion qu'ils ont des droits, parce qu'ils étaient à la majorité analphabètes, ils n'avaient pas de syndicats. Donc, ils n'avaient pas l'idée comment qu'on pouvait s'organiser, qu'on avait le droit à la terre. Donc, c'est tout nouveau. Hein. C'est dans une nouvelle grammaire qui va arriver, que c'est la grammaire des paysans et des latifondiaux. Donc, ça, c'est les années 50. Avant, ils n'avaient pas ces connotations parce que, finalement, paysan, qu'est-ce que c'est un paysan au Brésil ? Il n'y a pas. Il y a des salariés agricoles. Les paysans vont se concentrer surtout dans le sud du Brésil où il y a l'immigration européenne qui arrive donc au milieu donc du 19e. Donc, cette notion d'agriculture familiale, elle est très restreite au sud du Brésil. Et puis avec cette culture de l'esclavage, même si l'esclavage est aboli en 1888, la culture, elle, demeure. L'importance des années 1950 au Brésil avec le président Vargas. À Rio de Janeiro, le nouveau président de la République brésilienne, M. Getúlio Vargas, a traversé la ville sous une pluie de fleurs et de confettis avant de se rendre au palais législatif pour y recevoir l'investiture des mains du général Dutra, son adversaire malheureux aux dernières élections. Le président Vargas, porté au pouvoir à la suite de la révolution de 1930, était demeuré chef de l'État jusqu'en 1945. Après une éclipse de 6 ans, il reprend la tête de la grande nation sud-américaine. Nous étions en février 1951 dans les actualités françaises pour l'élection du président Vargas, qui a marqué profondément le XXe siècle. Est-ce que cette République du Brésil au XXe siècle porte un réel souci aux paysans, au sens où on sent bien que les grands propriétaires ont beaucoup de pouvoir. Et ce sont eux qui sont proches des décisions politiques. Comment ça se passe ? C'est un tiraillement sans cesse, Susanna Bley, pour obtenir, alors pour les grands propriétaires, la conservation de leurs avantages, et puis pour les plus pauvres, d'avoir des terres. Un équilibre très dur à atteindre. C'est vrai qu'il y a des tensions. Pendant la dictature, je peux même dire que la dictature a été déclenchée donc, en 64, justement parce qu'il y avait une possibilité d'avoir une réforme agraire. Il avait les ligues paysannes, il avait un rassemblement à niveau national donc, de tous les paysans. Donc il y avait, avec plusieurs niveaux de travail, c'était pas la même activité, mais ils se sont rassemblés. Donc il y avait un grand congrès en 1961 et qui, là, à ce moment-là, il y avait cette conscience qu'il y avait des droits, donc ils ont commencé à s'organiser pour dire, bon, écoutez, on veut la réforme agraire. Sauf que, donc, quand en 1964, justement, les discours de Jean Goulart, il va dire, bon, écoutez, on va signer la réforme agraire dans les terres qui sont à côté d'autoroutes. C'est juste les terres publiques. Et 15 jours après, coup d'État. Donc, on peut même supposer que les coups d'État, donc, des 64, est directement lié à cette lutte-là. Hervé Théry, c'est vraiment ça, hein, cette histoire politique que nous connaissons souvent par la chronologie. Hein. La dictature militaire au Brésil commence en 1964, mais pour comprendre cette dictature, c'est aussi là une question agraire. C'est les grands propriétaires qui ont peur, en fait, de perdre tout ce qu'ils ont. Peut-être pas tout ce qu'ils ont, mais enfin, bon, ils ont quand même à peu près tout déjà, donc ça va. Oui, c'est un peu le spectre de Cuba. Si l'Amérique latine entière était beaucoup plus soumise aux États-Unis qu'aujourd'hui, qui était dans ce contexte de guerre froide, ils avaient très très peur. Il y a eu la mort de Che Guevara quelques années après, enfin, il y a pas mal d'autres endroits. Probablement sans raison d'être, on y reviendra, mais c'est quand même un paradoxe. Voilà, je suis géographe, je le rappelle, c'est qu'il y a largement la place au Brésil pour tout le monde. Il y a moins de 10% de la terre qui est cultivée au Brésil. Et donc, il y a amplement la place pour une agriculture paysanne, de la grande agriculture, des réserves, de la forêt, tout ce qu'on veut. Il y a une espèce de tension qui est très forte, et on va en parler abondamment, qui n'a pas vraiment de raison d'être. Il y a beaucoup de terres cultivables, et il faut rappeler aussi la qualité de ces terres. Oui, il y en a toutes sortes. Il faut rappeler que c'est 16 fois la France et qu'il y a de l'Amazonie, des zones sahéliennes, de la Pampa, il y a un peu beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a largement assez. Je crois que c'est sûrement la plus grande réserve de terres arables au monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre en culture, surtout pas l'Amazonie entière. Mais c'est le pays qui a le plus de terres arables disponibles. Et donc, a priori, vu de Sirius, il devrait y avoir aucun problème agraire. Or, il est présent et fort. Ces grandes propriétés dont nous parlons depuis le début de l'émission, comment fonctionnent-elles ? Donc, ce sont d'immenses territoires. Hein. Susanna Bley disait, le propriétaire est là, et puis il voit l'horizon, il dit jusque là-bas, c'est à moi. C'est une agriculture extensive ? Oui. Il n'est pas toujours là. Hein. Il s'est souvent extensé, souvent absentéiste. Il a un régisseur qui s'occupe de tout ça, et lui, il vient parader de temps en temps. Bon, pour les propriétés des députés, par exemple. Et puis, il y a d'autres endroits, comme celle que je citais tout à l'heure. C'est un groupe familial qui a 6 agronomes résidents, 5 000 employés, des machines, ils trouvaient les machines américaines un peu petites, ils achetaient les leurs en Ukraine. Enfin, là, c'est un système quasiment industriel. Et je concluais dans le papier que j'avais fait en disant que c'est probablement une sorte de sauve-cause capitaliste. Oui. Bon, donc il y a toutes sortes. Il y a des fazendas qui sont presque de loisirs et de parades, et puis il y en a qui fonctionnent comme des entreprises exportatrices. Oui, il n'y a pas la volonté, on le sent bien, de mettre à profit la terre, une concentration de production absolue. C'est l'immensité aussi qui compte, et peu importe si, sur ces grandes propriétés, toute une partie de la terre est laissée un peu de côté. Oui, pour parler un peu intensification, il y a une campagne qui a été faite par l'équivalent de l'INRA là-bas, qui préconisait qu'on mette non pas une bête par 4 hectares, mais une bête à l'hectare, en disant que ce serait mieux. Et effectivement, c'est ce qu'on disait. Mon beau-père était un petit éleveur, et il avait l'habitude de dire, pour qu'une bête soit bien, il faut qu'elle ait un hectare sous chaque sabot. Et en passant à une bête par hectare, on s'est aperçu que c'était mieux parce que quand les bêtes ont beaucoup de place, elles broutent que les pousses les plus tendres et laissent repousser les bordures. Et donc il y a une marge immense d'intensification qui fait qu'on ne devrait pas du tout besoin avoir de défricher quoi que ce soit de plus. Oui, c'est ça. C'est cette idée qu'il y a énormément de terres, Susanna Blaye. C'est aussi cette question des sans-terre, des paysans qui n'ont pas de terres. C'est de voir qu'il y a ces grandes exploitations qui laissent beaucoup de place. Si on leur laissait un petit lopin, ça ne se verrait à peine. C'est ça. C'est il y a de la place, quoi. Oui, il y a la place, il y a l'injustice, il y a la famine, il y a vraiment même, on a vécu, on vient de finir 4 ans, donc presque entre guillemets une dictature, donc il avait vraiment une difficulté de s'exprimer sur l'espace public, d'avoir les drapeaux du PT, donc des vêtements rouges, on pouvait même être menacé sur la place publique. Donc ce qui fait la force de ces mouvements, c'est justement de comprendre qu'il y a un ennemi à abattre, c'est un ennemi. C'est clair, parce que dans la société donc d'aujourd'hui, dans tout le monde, parfois c'est pas simple de voir qui est l'ennemi, c'est les multinationales, etc. Donc là, on sait qu'il y a ces grandes... C'est vrai que dans les fermes qu'on vient de parler là, il y a aussi des multinationales, bien sûr, mais c'est très intéressant de savoir à qui on doit se positionner. Donc par rapport à ça, peut-être on va parler tout à l'heure, donc la culture des sans-terres, qui va être vraiment c'est délimité, c'est séparé de cette culture de l'accumulation, hein, donc de l'accumulation de la richesse, donc de tous ces valeurs. Donc c'est par rapport aux valeurs qu'on va travailler pour avoir la conscience que la réforme agraire n'est pas seulement nécessaire pour qu'on mange, mais pour qu'on puisse avoir une vie en ce moment du réchauffement climatique, une vie plaisible, une planète qui puisse réussir, qui puisse survivre. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus large simplement qu'une idée de propriété foncière, vie et lutte des sans-terres au sud du Brésil. C'est l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Cartala, Susanna Blaye. À partir de quel moment d'ailleurs voit-on apparaître de manière très nette des revendications? Ça correspond quoi à ces années 50 quand il y a des mouvements internationaux de réflexion sur la propriété, hein? En fait, l'affiliation du mouvement des sans-terres, c'est nettement lié à la commission pastorale de la terre, qui c'est une commission liée à l'Église catholique et qui elle-même vient de la commission des évêques brésiliens. Donc tout a commencé pendant la dictature, donc en pleine Amazonie, donc avec un évêque qui c'était donc Pedro Casaldáliga. Non, c'est lui qui commence à faire des rapports vis-à-vis de cette injustice qui est là dans ces multinationales qui arrivent en pleine Amazonie, c'était la colonisation de l'Amazonie. Donc, il y a ce témoin qui est là, né, c'est quelqu'un qui vient d'Espagne, donc la Catalogne, Pedro Casaldáliga, et qui va faire des rapports. Et ces rapports vont circuler au niveau national. Donc, c'est là qu'on commence, pendant la dictature, on n'était pas censé parler, et on commence à avoir une conscience critique. Après, des années après, il va venir les sans-terres, mais il n'y aurait pas de sans-terres si on n'aurait pas cette conscience critique liée à l'Église qui vient dans les années entre 60 et 70. Oui, parce que dans le cas du Brésil, pour cette histoire qui nous intéresse de la propriété foncière, du mouvement des sans-terres, l'Église a une place importante. Écoutez ce que disait l'évêque, même l'archevêque d'Olinda et de Recife, Monseigneur Helder Camara. Aujourd'hui, il y a cette préoccupation dans les pays sous-développés de moderniser l'agriculture, parce qu'elle est là, arriérée. Et alors voilà, les riches de chez nous, en liaison bien étroite avec les multinationales, arrivent à l'intérieur du pays et alors ils achètent des terres et les paysans doivent partir. Et alors, ceux qui étaient là, ils sont vraiment expulsés. Oui, bah, là, c'est très clair hein, ce que dit l'archevêque d'Olinda Recife. C'était en 1977, hein, lors d'une conférence à Montréal. Les multinationales ou les grandes propriétés qui s'étendent expulsent des gens. Ce n'est pas simplement dire certaines personnes qui n'ont pas de terre désirent en avoir. Là, on est aussi, en 1977, hein, on est toujours sous la dictature au Brésil, dans un mouvement où des gens sont expulsés. La place de l'Église est vraiment importante hein, dans cette histoire-là, Susanna Bleye. Elle est clé parce que, en fait, quand on va parler tout à l'heure de la culture des mouvements des sans-terre, c'est une culture très liée à ces valeurs de l'Église, dans le sens de ils sont pacifiques, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas, c'est la valorisation de l'amitié, de la communauté. Donc, l'Église, je vais dire que c'est pas toute l'Église, hein, faut bien faire il y a une partie aussi qui c'est très réactionnaire, mais il y a une partie de cette Église qui est donc, on vient d'écouter, donc, dans Heure de Camara, il y a aussi Leonardo Boff, il y a Frei Beto, il y a Pedro Casaldáliga. Donc, ces gens-là, pendant la dictature, ils ont risqué leur vie. Il a passé des années en prison. Il a écrit ses journaux de prison. Donc, Pedro Casaldáliga, il était menacé de mort. Il a même écrit un poème par rapport à la mort. Moi, je vais mourir debout comme un arbre. Donc, ils étaient face à la mort à chaque instant parce que, en fait, ces grands propriétaires, ils n'avaient pas des scrupules pour les tuer. Né? Donc, c'est ça qui peut-être c'est très intéressant. Cet engagement qu'on voit aujourd'hui dans les sans-terres, il vient de très loin. Et c'est un engagement qui est au-delà d'une simple manifestation, d'une simple occupation. C'est un engagement prêt à mourir. Oui, qui va très très loin. Hein. Hervé Théry, dans cette histoire des mouvements des sans-terres, ou en tout cas de la lutte pour la propriété foncière, ou pour pas être expulsé, c'est étonnant d'ailleurs de voir cette place prise par l'épiscopat, et au plus haut de l'épiscopat, sachant que les élites elles-mêmes, dans leur ostentation et leur apparence, sont liées à l'épiscopat. Il y a une fracture ici qui s'opère entre ces élites propriétaires foncières, ces grands propriétaires, et puis l'épiscopat. Alors ça a un petit peu changé avec le Jean-Paul II qui a quand même, par anticommunisme tripal, changé la plupart des évêques, mais il a respecté la commission pastorale de la terre et c'est vraiment le morceau de l'Église catholique qui continue aujourd'hui un travail très actif, très soigneux. Ils ont des bases de données qu'ils mettent à disposition. Et on a eu l'occasion avec des collègues brésiliens, à la demande du Bureau international du travail, de faire un atlas de l'esclavage rural au Brésil et qu'on a tenu à jour plusieurs fois dans un bouquin qui est sorti en 2022, l'an dernier maintenant. Et je tiens à rendre hommage à Xavier Plassat, qui est un religieux français qui depuis 30 ans est en Amazonie. C'est un des animateurs de la commission pastorale de la Terre. Avec un de mes jeunes collègues universitaires, il publie tous les ans des rapports très soigneux, le nombre d'invasions, de menaces de mort, de tentatives d'assassinat et d'assassinat, ce qui fait qu'on a pu, nous, avec ça et des données officielles, suivre de très près l'extension et les avancées et reculs, plutôt avancées malheureusement, de l'esclavage rural au Brésil. Hervé Théry, vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au SNRS et professeur à l'université de São Paulo. Le Brésil, pays émergé, c'est un de vos ouvrages, mais dans cette histoire-là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce possible de travailler sur ces questions de manière sereine? C'est facile d'avoir accès aux données? Ben, curieusement, oui. C'est un des pays où c'est, malgré tous ses défauts, je ne vais pas dire du mal d'un pays auquel j'ai consacré toute ma carrière, mais ce point-là, on est bien obligé de le reconnaître. L'accès aux données est relativement facile, en ligne et gratuit. Alors, il y a des moments où c'est un petit peu occulté. Sous Bolsonaro, il y a eu quelques tentatives assez vite avortées, tant mieux. Mais on a accès, par exemple, on a des statistiques assez précises des cas d'esclavage découverts. Et ils sont sur dénonciation. Et c'est justement la commission pastorale de la Terre qui souvent fait affleurer les choses. Et donc, nous, on a essayé de contribuer un peu. Et la géographie, ça ne sert pas qu'à faire la guerre. Ça sert parfois aussi à défendre une cause juste. Et donc, on a mis au point un indice de risque d'esclavage. Mais s'il n'y avait pas cet accès aux données de la Commission pastorale de la Terre et du ministère, enfin des ministères qui vont libérer les esclaves, on n'aurait pas pu faire ça. Et donc, il y a quand même des morceaux de la société qui luttent dans le bon sens. Hervé Théry utilise ce mot d'esclavage. Suzanne Ablaï, vous en pensez quoi au moment de parler des sans-terres? Ce sont des formes d'esclavage modernes pour certains, et puis après, il y a tous les mouvements de lutte. Oui, bien sûr, parce que on voit des émissions, il y a des documentaires. Par exemple, je passe à mes étudiants à l'Université de Havre, donc un documentaire qui a été fait en Suisse, on montre vraiment la nourriture, par exemple. Ils vont manger des os avec de l'eau, ils vont boire de l'eau qui n'est pas salubre, ils vont vivre dans des petites tentes. Ils sont pas rémunérés, parce qu'il y a, il faut le dire, pourquoi ce type d'esclavage? C'est parce qu'il y a un système d'endettement depuis toujours. Depuis le 19e, c'est, en fait, il y a une sorte d'épicerie à l'intérieur de la ferme. La personne doit acheter tout là et après elle est endettée, après elle ne peut pas sortir, donc elle est menacée de mort. Donc ce n'est pas seulement les conditions de travail, mais c'est les conditions d'endettement qui sont à la base de ces systèmes donc, d'esclavage. Quelle forme prennent les luttes des sans-terres? Comment réagissent-ils? En fait, justement, la forme d'action des sans-terres, c'est basé sur l'éducation, hein, c'est le civisme, c'est basé sur les, en fait, donc, c'est comme si la personne, c'est difficile d'expliquer parce que c'est en fait comme une sorte de vocation. Les gens, les cadres de mouvement vont être là, ils vont risquer la vie. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une terre qu'on n'est plus sans terre. Ça, c'est important de dire. Une fois qu'on a la terre, on a fait une occupation, on a eu l'assentamento, on a été fixé sur une terre. Or, on va continuer toujours sans terre parce que c'est une question d'identité. On va être un peu dans la sorte de gratitude envers ces mouvements, envers cette organisation, et on va aider ceux qui n'ont pas. Oui, c'est ça. Hein. Éducation, connaître son histoire, c'est ça aussi une forme de lutte, peut-être le début même qui peut permettre toutes les autres formes de lutte. Une illustration avec ces paysans sans terre d'Amazonie. Le mouvement fait en sorte que les gens connaissent leur histoire, leur culture. J'ai tout appris ici, au milieu de tout ce peuple. On apprend tout ça, on en entend parler, on nous raconte, et puis surtout, on étudie beaucoup Zombie, parce que Zombie, c'est notre héros, c'est à partir de lui qu'a commencé la première lutte pour la terre au Brésil. Le Zombie s'est passé à l'époque de la colonisation par les Portugais, lorsque les Portugais ont fait venir les esclaves pour venir travailler ici au Brésil. Il y avait à l'époque les colonels, qui étaient les propriétaires des terres. Et Zombie a réussi à organiser le peuple qui vivait sous la pression de ses colonels. Et il a trouvé un endroit, un lieu où il a construit une communauté, un endroit qui ressemble beaucoup à celui où nous sommes aujourd'hui. L'objectif principal de leur lutte était la liberté. C'était en 2001 dans l'émission Là-bas, si j'y suis sur France Inter, l'évocation des paysans sans terre d'Amazonie, Suzanne Ablaï. Alors là, d'un seul coup, profondeur historique, mais l'histoire n'est pas uniquement là pour ce plaisir de savoir d'où l'on vient. C'est au fondement même de l'identité et de la lutte à conduire. C'est pour ça que, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aujourd'hui à ces sans-terres avec ce regard historique. C'est quoi cette histoire-là? Parce que là, il y a eu l'évocation même des mouvements durant la colonisation de prise en main de la terre pour soi. C'est intéressant de voir que cette histoire, quand les paysans vont être formés, ça reste seulement pas à l'histoire brésilienne. En 2001, donc Jean-Pierre Disted, l'un des leaders, est venu à Paris pour les 50 ans du monde diplomatique, et donc il disait la France qui nous est chère, c'est la France de la commune. Donc c'est pas seulement donc ce qu'on a vécu nous, mais c'est comme si tout d'un coup, la culture mondiale, internationale de la lutte pouvait revenir à ces paysans. Donc c'est très, très ample, non? Et donc, par rapport à cette identité, parce que c'est vrai que les mots, l'idée d'identité qui est basique dans ces mouvements, pour entrer dans ces mouvements, il faut déjà faire plusieurs gestes. Il faut rompre avec l'idée que c'est des bandits, que c'est des voleurs. Parce que dans la société brésilienne, à partir de la presse, à partir des classes aisées et des grands propriétaires qu'on vient de parler, l'image de ces paysans sont comme si c'était des vagabonds. Hein? Même ma famille, j'ai fait ce travail, mais ce n'est pas valorisé par ma famille parce que les gens pensent que c'est vraiment de bandits qui vont occuper n'importe quelle terre, tandis qu'ils vont occuper des terres qui sont à la jachère, les terres de l'État, au-delà du fondio. Oui, les occupations de terres, parce que c'est ça aussi que l'on retient de ce mouvement des sans-terres, Hervé Théry. C'est paradoxal, hein, même cette image que nous pouvons avoir vue de France des sans-terres qui luttent pour obtenir un petit lopin de terre. Et puis l'image qu'ils ont au Brésil que vient de nous présenter Suzanne Ablay. Oui, c'est très fort. J'ai une fois accompagné un groupe de réflexion de l'agriculture française avec des gens de l'INRA, mais des grands propriétaires, notamment des betteraviers, et qui, dans une coopérative, a racheté des usines à sucre au Brésil. Donc, on a visité leur usine à sucre. Et quand j'ai dit, moi, j'avais proposé que dans le voyage, on aille justement voir les paysans sans terre, dans le Pontal do Parapanema. Et quand j'ai dit ça aux gens de l'usine, ils ont dit, mais vous êtes fous, vous allez les emmener chez l'ennemi. Et en fait, on y est allé le lendemain, et bon, si je peux prendre deux minutes, dans le bus qui nous emmenait là, j'entendais que dans le fond du bus, ça rigolait, donc je suis allé voir. Et en fait, ils étaient entre eux, ils disaient, on est en train de déterminer l'ordre dans lequel on va être fusillé. Alors probablement d'abord les grands propriétaires, puis les fonctionnaires d'État, et puis peut-être les coopératives s'en tireront. Ce qui veut dire un peu l'appréhension qu'ils avaient. Quand on est arrivé à l'assentamento Che Guevara, ils ont bien compris que, etc. Et en fait, ça s'est très très bien passé parce que celui qui m'accompagnait, qui est un professeur de l'UNESP, les connaissait bien. Donc, il leur avait dit, vous allez recevoir des gens qui. Et donc, on s'est réunis en rond dans une école. Et on a fait les présentations. Alors, instruit par l'expérience précédente, j'ai présenté d'abord les gens des coopératives, etc. Et j'ai fini par... Oui, il y avait aussi des gens des multinationales. Et donc, au moment où je finissais la présentation, quelqu'un qui était le représentant de la Cargill s'est levé, il a traversé le cercle, il a enlevé sa casquette marquée Cargill, il l'a tendue à José María Rainha, qui est un des leaders des sans-terres, et il a pointé du doigt sa casquette rouge du MST. Et il y a eu un tout petit moment de flottement, puis ils ont échangé leur casquette et ils ont passé le reste de la journée avec leur casquette échangée. À partir de ce moment-là, bon, il y avait un petit peu, la glace était rompue, et ils ont expliqué comment ils avaient occupé ces terres qui avaient été accaparées par des grands éleveurs au XIXe siècle, dont ils ne faisaient rien, pour s'installer et nourrir leur famille. Donc au bout d'une demi-heure, un certain nombre de gens ont dit, attendez, si on a bien compris, vous occupez des terres qui ont été volées et vous vous installez là pour produire et nourrir vos familles, alors on est pour. C'est-à-dire qu'ils ont changé leur point de vue et après ils ont passé la journée à échanger des trucs sur comment on faisait ci, comment on faisait ça. Et ça se passait tellement bien que le professeur qui avait organisé ça dit, écoutez, puisque c'est ça, là on est sur un assentamento organisé, mais puisqu'ils ont l'air tout à fait bien disposés, on va aller un tout petit peu plus loin dans des gens qui campent en attendant de pouvoir occuper, envahir, se faire attribuer une terre. Et bon, on a fait ça. Et à la fin, tout ça s'est très bien passé. Et il dit, écoute, je suis stupéfait parce que c'est la première fois que j'amène des gens comme ça dans ce genre d'endroit. Je dis, oui, forcément, des étrangers, il n'y en a pas souvent. Il dit, non, j'ai jamais amené des gens qui ne soient pas des paysans sans terre là. Et ça s'est terminé par un déjeuner. Et les gens qui organisaient la logistique avaient dit, il y a un problème, on est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Je dis, écoutez, l'argent que vous alliez mettre pour le restaurant, donnez-le aux paysans, et ils vont faire un repas, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des marmites de galignade, c'est-à-dire de... Et comme les gens qui venaient, le groupe paysan, enfin le groupe agriculture française, étaient coordonnés par le président de la coopérative de céréales de Champagne, ils avaient apporté du champagne. Et donc on a fait un grand repas avec les paysans sans terre, arrosé au champagne, moët et chandon, rien de moins. Et tout le monde était très content. Et alors, en repartant, ils ont dit, écoute, c'est formidable, l'an prochain, tu nous amènes chez les FARC en Colombie. Je dis, non, ça, c'est pas du tout la même chose. Et pour prendre juste un dernier épisode, le plus réticent au début, était vraiment, il disait, oui, mais c'est des sortes de José Bové, ils vont tout casser, etc. Il était tellement ému qu'il m'a dit, écoute, il faut vraiment que je parle au leader, donc amenez-moi lui parler. Et il m'a dit, écoutez, vraiment, j'ai vu la lumière, je suis ébloui, vraiment, on comprenait rien du tout. Et Raïna, qui est très malin, dit bah, « Écoutez, je comprends ça, il avait bien compris que le type était très catho, mais le Christ n'a-t-il pas dit « Seule la vérité est révolutionnaire ». Alors là, il a fondu. Et dans le bus, il voulait faire une collecte pour leur donner de l'argent. Enfin, c'était vraiment une espèce d'eucharistie, là, d'un seul coup. Bon, personne n'a été fusillé, donc, lors de cette visite des Santerres, Thierry. Du tout, ils sont partis convertis, au contraire. D'autant que, dans cette histoire-là, la violence, c'est surtout de l'autre côté. Le père José m'a été assassiné le 10 mai, parce que, toujours, il avait pris position dans sa paroisse pour les problèmes des paysans qui vivaient de très sérieux conflits de terres. Ils étaient menacés à tout instant de perdre leurs terres. Donc il fallait les aider à prendre conscience de leurs droits, à résister sur leurs terres. Et le père Josime est mort des conséquences de son option. Ça m'aurait émotionné tout le Brésil. L'épiscopat brésilien était présent à son enterrement. Il paraît qu'il y avait 10 évêques. Les autorités de l'Église ont été convoquées par le président de la République. Le président Sarney sait fort bien ce qui se passe. Je pense qu'il reçoit de très grosses pressions de la part des propriétaires terriens qui sont organisés en union. Ils ont créé une union démocratique ruraliste avec des polices parallèles qu'ils eux-mêmes paient. Généralement, ce sont d'anciens policiers militaires. Ils les paient pour faire le travail qui a été fait avec le père Josime et leur regroupe même un nom très significatif. Il s'appelle Solution. Oui, solution. C'est sœur Nicole Combes qui s'exprime sur la deuxième chaîne de télévision française après son retour du Brésil. À propos de cette violence, nous étions en 1986, Susanna Bley, la violence contre les Santerres est incroyable avec cette organisation que vient d'évoquer cette religieuse. Oui, c'est de l'ancrer dans l'histoire parce qu'à l'époque donc de la colonie, donc il y avait toujours la police donc de ces gens qui avaient la terre. Or, au fur et à mesure qu'il a eu l'indépendance, la République, etc., il y a toujours dans les images, dans l'imaginaire, dans la mentalité qu'on peut avoir sa propre police parce que la police républicaine ne va pas avoir affaire avec ces gens-là, ces gens qui méritent d'être tués parce que finalement sont des vagabonds. Donc on voit bien que la question dénigrer l'image des Santerres va de pair avec l'idée qu'on peut les tuer. Donc, je me rappelle, donc, j'ai beaucoup analysé dans mes travaux un tract anonyme de 2003 c'était anonyme, hein, mais je l'ai analysé parce qu'en fait, c'était une marche de 800 personnes, de 800 Santerres qui allaient occuper donc, une des 6 fermes dans l'extrême sud du Brésil, dans l'état du Rio Grande do Sul. Et donc, cet tract anonyme parlait donc, voyons, vous qui avez un avion, vous voyez, il y a des gens qui vont apporter ici, sont des rats, hein, vous savez comment on fait avec un rat, on les tue. Si vous avez un avion, pulvérisez vos campements. Si vous avez une arme à feu, vous pouvez toujours tirer de la distance. Cet acte était d'une violence, d'un fascisme impressionnant, mais il n'a pas fait la une des journaux. C'était comme si, 2003, hein, pleine Lula au pouvoir, c'était normal pour la mentalité qui ont peut tuer les gens parce que tout simplement ils dérangent. Ça veut dire, c'est pas qu'ils dérangent, ça veut dire qu'ils font peur. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de mon peur. C'est qui a déclenché donc la dictature. C'était intolérable que les gens veulent s'organiser, avoir le droit à nouveau donc de la campagne brésilienne. Tout à l'heure, maintenant, il y a la même chose. On vient de voir avec Lula pourquoi il y a presque 58 millions qui ont voté Bolsonaro. C'était la peur parce que Lula pouvait vraiment rentrer dans les maisons. C'est des gens qui ont des doctorats qui pensent ça. C'est des gens, même ma sœur qui habite en Allemagne, elle disait mais Lula va rentrer à la maison, va prendre des choses. C'est n'importe quoi. Donc mais les gens ont cette mentalité là que c'est même pas les socialismes, hein, c'est les social-démocrates qui vont enlever les droits acquis. Né? C'est un peu comme si la propriété privée, il avait toute une mystique, toute une sorte de fantasmagorie c'est comme si... Bon, même ici en France, on voit bien que les trucs de voisinage, il a toujours des problèmes, des tensions avec la propriété. Et peut-être que je pourrais revenir sur la question de l'Église, parce qu'en fait, en 80, l'Église sort un document, l'Église et les problèmes de la Terre, où elle va parler que la Terre n'est pas une propriété qui doit être privée s'il y a à l'intérieur de cette terre des injustices. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a toute une institution, non, va dire aux gens, écoutez, la terre, elle ne doit pas être une propriété privée si elle n'a pas la justice à l'intérieur. Ça veut dire donc qu'elle doit avoir une fonction sociale. Et la constitution de 88 va parler de ça. Une terre doit accomplir une fonction sociale. On ne peut pas la détruire, on ne peut pas avoir du travail de type esclave et on ne peut pas la laisser à la jachère. Hein? Donc, c'est trois choses qu'on doit respecter. Une fois qu'on n'a pas ces respects envers la terre, elle devait aller à l'État et l'État devait donc acheter cette terre et l'orienter vers la réforme agraire. Et c'est ça, cette réforme agraire, cette histoire qui est une histoire politique, une histoire sociale et qui a des conséquences évidentes sur l'aménagement du territoire. Attiré par les avantages fiscaux qu'offrait le gouvernement dans les années 70, des industriels venus de Rio de São Paulo se sont installés sur ces terres vierges. Ils ont planté du riz, du maïs et beaucoup, beaucoup de soja. Le soja rapporte chaque année 2,5 milliards de dollars au pays le plus endetté du monde. Il établit aussi une hiérarchie brutale et sans appel entre les hommes. La propriété du progrès couvre 8,000 hectares. Son patron, Munifum, est un ancien marchand. Il a réalisé un rêve d'enfant en venant ici. Quand j'ai acheté cette terre au gouvernement, un hectare coûtait le prix d'un paquet de cigarettes. J'ai acheté ma terre sur plan, sans même l'avoir vue. C'était en 1964, juste après le coup d'État militaire. Et en 1972, le gouvernement a construit une route, ce qui m'a permis de défricher et d'exploiter mes terres. Nous étions en 1988 dans le Mato Grosso au Brésil, également sur la deuxième chaîne de télévision française, Hervé Théry. Il y a une volonté de la part du pouvoir de trouver de nouvelles terres. Parce que, on le dit bien, ces grandes propriétés-là posent problème, parce qu'une partie est laissée en jachère et que des centaires veulent s'y installer. Mais c'est immense, vous nous l'avez dit, ce pays. Pourquoi ne pas aller plus loin ? C'est exactement ce qu'on fait. Je crois que tout est dans le sigle de l'INCRA, c'est l'Institut National de Colonisation et de Réforme Agraire. Et pas mal de gens hors de l'INCRA et même dans l'INCRA disent c'est l'Institut National de Colonisation pour ne pas faire la réforme agraire. Et donc la pression sur la terre, Susanna a écrit là-dessus, elle est dans le sud et on offre des terres dans le nord. Et donc les possédants espèrent se défaire de cette menace en transférant les gens vers le nord. Mais ça n'est pas du tout le même environnement, donc ça marche plus ou moins bien. Et donc il y a ce phénomène d'envoyer les gens vers les fronts pionniers, où ils peuvent servir de main d'œuvre à la culture du soja et autre chose. Donc c'est vraiment ce jeu-là qui est fait de faire les assentamentos, c'est-à-dire la colonisation par l'eau, assez grand, qu'on offre dans des conditions avantageuses, mais qui ne durent pas très longtemps, à des paysans dans l'espoir de déplacer la pression. Et de l'autre côté, c'était au long de la transamazonienne, les paysans du Nord-Est, qui sont les plus nombreux et les plus menacés, qui allaient, eux, vers l'Amazonie orientale. Donc il y a tout un mouvement géographique, effectivement, de très très grande ampleur, de déplacer la menace en donnant des terres au Nord. Hervé Théry, vous venez de l'évoquer, ce sont des routes, ce sont des lots, donc on découpe des parcelles de terrain, des bandes de terrain que l'on attribue à des paysans au fur et à mesure que la route avance. C'est ça, tout est planifié à peu près en même temps, mais il y a vraiment une dialectique entre la pression sociale pour de la terre, l'action de l'État qui ouvre des routes, les deux vont ensemble, et donc effectivement on découpe au cordeau, c'est ce qu'on appelle quadrilatérobourg, le carré stupide, le carré bête, parce que ça tient aucun compte de la topographie ni de quoi que ce soit, ce qui fait que des paysans qui n'ont pas beaucoup de chance se retrouvent avec un lot sans eau ou avec une colline au milieu, ce qui fait qu'il y a quand même une assez grande rotation. Et c'est souvent ceux qui restent qui reprennent les terres de ceux qui sont partis et qui se finissent par faire des moyennes ou grandes propriétés. Donc ce n'est pas un système tellement rationnel, c'est vraiment une façon d'éviter la réforme agraire. Oui, éviter la réforme agraire, Susanna Blaye, c'est ça aussi, c'est déplacer les populations. C'est de dire, alors vous êtes là, il y a un... Bon, allez, traversez le pays, allez là-bas et vous allez trouver des terres. Oui, c'était les propos, donc justement, pendant la dictature militaire, voulait bien faire les fronts pionniers de l'Amazonie, donc les gens sont allés, plusieurs personnes, plusieurs familles sont allées, l'habitude de prendre par exemple les matés et toute la culture, donc du sud est partie là-bas, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont revenus aussi parce qu'ils n'avaient pas d'hôpitaux, ils n'avaient pas d'école, c'était nulle part, donc c'était pas simple de survivre dans ces milieux hostiles. Je voulais revenir sur la question question donc par rapport à la couture des Saint-Terre, non? Parce que en fait c'est la question de comment ils tiennent, hein? Peut-être c'est parce qu'on a beaucoup parlé de ces ennemis, on va dire, de ces grands propriétaires, de ces multinationales, mais comment se fait-il qu'ils tiennent, hein? Qu'ils restent comme organisation. Donc la question qui va au-delà de la Terre. Donc c'est une nouvelle société. Cette nouvelle société avoir de nouvelles valeurs. Quelles sont les valeurs? Donc les valeurs donc de l'amitié, donc ils ont une grammaire donc d'affinité, donc d'avoir des proximités avec les gens, donc des respects pour la culture populaire, donc cette idée de ne pas accumuler de l'argent, de ne pas prendre les fast-food, donc c'est toute une culture qu'elle a dedans qui va les ancrer dans un ethos des classes sociales, hein. Nous on est des paysans, on n'est pas ces gens-là, hein. On n'est pas des grands propriétaires. Et cela passe aussi par les emblèmes, donc les drapeaux du mouvement des Saint-Terre, les casquettes que Evie Thierry vient de parler, né, en 2003, quand Lula prend le pouvoir, donc il a 27 membres qui vont lui rendre visite à Brasilia, et lui, quelques secondes, il va mettre sa casquette sous sa tête. Ça a été un toll, c'était un scandale, parce que tout de suite, les organismes ont pensé qu'il allait se convertir ou qu'il allait faire la réforme agraire. Donc, il l'a fait de manière très timide à ce moment-là, pendant ces 8 ans qu'il était au pouvoir, mais les premiers et deuxièmes mandats. Mais pour revenir à la couture des Saint-Terre, donc c'est quelque chose qu'on n'est pas pressé, hein. C'est pour un moment donné, peut-être qu'on ne va pas les voir en vie, mais c'est cette idée qu'on peut, dans les moments même, dans les jours même, être différent. C'est pas du blablabla, c'est pas... Moi, j'ai dit ça par rapport à tous les militants que j'ai côtoyés ici, même en Europe. Plusieurs femmes, donc la question de la parité, le rôle des femmes. Mais aussi, le fait d'être vraiment dans la cohérence. Hein? Ça veut dire, donc, nous, est-ce qu'on va boire du Coca-Cola? Est-ce qu'on va boire est-ce qu'on va au McDo? Est-ce que toutes ces valeurs, hein, qui... On a parlé de mot impérialisme pendant la dictature, mais ça reste encore dans l'idée que c'est les grands machins là, donc c'est les capitalismes. Donc, c'est qui va nous sauder comme monde commun, qui c'est pas donné, hein. Ils vont faire 40 ans l'année prochaine, en 2024, parce que c'était 84. Donc, mais c'est pas donné. C'est toujours un enjeu. C'est toujours une épreuve pour voir si, est-ce qu'on peut être cohérent? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on dit? Hein? C'est cette implication qui va au-delà de la personnalité qui va à la personne, hein, dans le sens de quelqu'un qui se donne et qui risque la vie. Non, c'est ça que je voulais dire par rapport à la couture de ces gens. Oui, parce que vous venez d'évoquer cette date, 1984, c'est le moment de naissance officielle, on va dire, de ce mouvement des Saint-Terre. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce milieu des années 1980, c'est aussi le retour de la démocratie. Tout à fait, mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a le retour des démocraties qu'il y a la naissance d'un mouvement social. Hein. C'est vrai que ça facilite, mais si on n'aura pas eu 20 ans de travail dans les communautés de base, donc de la commission pastorale de la terre, tout ce travail de l'église en amont, on n'aurait pas de Saint-Terre au moment qu'il y a une ouverture, une timide ouverture à partir de 84, 79, 84, 85, la fin officiellement de la dictature. Donc ce travail de 20 ans, hein, où il y avait donc la possibilité des paysans de comprendre qu'ils ont des droits, ça aboutit 20 ans après à ces mouvements. Mais par rapport, je me suis un peu perdue, vous avez parlé donc, oui, par rapport à... Ah oui, 84, oui, tout ça, tout à fait. Donc peut-être un autre détail. C'est pas parce qu'ils ont été fondés en 84 qu'ils sont nés en 84. En fait, à partir de 79, quand il y avait donc des grèves, donc dans l'ABC de São Paulo, dans les villes à côté de São Paulo, les villes industrielles, donc Lula était là comme métallurgicien, donc en train de faire des grèves, il y avait aussi des occupations dans le sud du pays. Hein. Ces occupations-là ont été clés. C'est ça qui a forgé en 84, la naissance. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces occupations? Il y avait déjà des règles. Par exemple, pas d'armes. Toujours la croix en bois. Toujours des messes. Toujours la présence des prêtres. Les prêtres, ils étaient dans les occupations. Imaginons une sorte de Volkswagen qui allait en face d'un camion pour faire une occupation. C'était pas seulement les paysans, c'était avec ces... Je pense à Luc Botanski, quand il parle, donc c'est un sociologue, il parle de grand, hein. Il avait ces grands, c'est la valeur, c'est même les représentants de Dieu sous terre, hein. Ces gens-là, donc quand ils étaient campés là, ils disaient, écoutez, au nom de Dieu, si vous restez unis, vous allez avoir la terre. Donc c'était un évêque qui a dit Pedro Casaldáliga. Il avait rendu visite à cet campement qui a duré presque 2 ans. C'était entre 81 et 82, donc avant les mouvements. Et ils étaient menacés. Il avait les militaires, il avait des hélicoptères, ils étaient encerclés. C'était vraiment un moment, comment dire, parce qu'on était encore dans la dictature. Donc ils ont risqué vraiment. Mais avec cette visite, il y avait vraiment énormément de prêtres qui allaient. Donc ils ont commencé à croire que c'était possible. Non, cette idée de que toujours c'est possible. À un moment donné, c'est possible. Peut-être pas l'instant, mais donc ça motive aussi cette vie authentique. C'est pas une vie. Moi, je suis parfois ici. Je suis en France depuis 24 ans. Parfois, je sens parfois les jeunes un peu hors d'eux, un peu comme la vie un peu banale, un peu oui, on va faire ça, etc. Or, avec ces gens-là qui sont tellement confrontés à des difficultés, la vie elle est là. Soit une question de vie ou de mort, de manger ou ne pas manger. Donc, cet ancrage dans la terre, dans la vie. C'est très important. Et puis la question de mort, tuer ou ne pas être tué, parce qu'il faut rappeler hein, quand même qu'il y a énormément de victimes chez tous ces centaires. Vous avez cité le sociologue hein, Luc Boltanski qui donne une préface à votre ouvrage Suzanne Ablaï, Vie et lutte des centaires au sud du Brésil. Et dans les préoccupations qui sont très contemporaines, Hervé Théry, il y a la préservation de la forêt. Et à vous écouter, mais je comprends que les terres sont suffisantes. En fait, une réforme agraire serait tout le bénéfice pour éviter de défricher la forêt. Parce que, vous le dites bien, en fait, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Oui, non seulement il y a tout ce qu'il faut, mais il y a tout ce qu'il faut dans ce qui est déjà défriché. On estime qu'il y a environ 600 000 km², c'est-à-dire plus grand que le territoire français, de pâturage dégradé, qu'on pourrait récupérer, bon, sauf que défricher, ça rapporte de l'argent, on vend le bois, tandis que récupérer une terre dégradée, ça coûte. Bon, plus les occupations qui sont purement spéculatives. Donc d'un point de vue agronomique, rationnel, vu de Sirius, comme je disais, il n'y a aucune espèce de nécessité. Et donc si on peut arriver à un système un peu plus policé, en reconstituant ce qui avait été fait sous les gouvernements précédents, de bloquer autant que possible le déboisement, rationnellement, il n'y a aucun problème. Mais je vous le disais, il y a deux ministères et c'est entièrement justifié. Il y a d'un côté le développement agraire et l'agriculture familiale qui s'occupent du genre de société dont vient de parler Suzanne, et de l'autre d'autres gens qui s'occupent d'aider les grands propriétaires avec l'appui des multinationales qui n'ont pas de terres mais qui s'occupent de la commercialisation. C'est vraiment deux univers qui rentrent parfois en conflit violent, mais qui sont côte à côte, et pas tout à fait dans les mêmes régions, bon, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais on a deux mondes. Et là, je pourrais citer ce que disait un de mes collègues brésiliens, Alfredo Valadão, qui disait que le problème du Brésil, c'est que tout ce qu'on dit sur lui est vrai. Et donc, c'est effectivement un royaume de la dévastation par les multinationales, etc. Et à côté de ça, une agriculture paysanne, solidaire, avec de solides valeurs, à quelques kilomètres les uns des autres, parfois. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de situations différentes qu'il faut regarder une par une. Et celle qu'étudie Susanna est une des plus intéressantes, mais il y en a bien d'autres. Et puis, dans le regard que nous portons sur l'actualité, et notamment sur la vie politique au Brésil, la question agraire semble beaucoup moins nous intéresser qu'elle ne peut intéresser les Brésiliens, les Brésiliennes eux-mêmes. Susanna Blay, quand Lula est élu président de la République, est-ce que ça provoque quelque chose comme un espoir au Brésil? Vous l'avez évoqué, quand il met une casquette des centaires, d'un seul coup, il y a l'effroi pour certains, plutôt les grands propriétaires, et puis l'espoir pour les autres. Il y a des politiques en place, quand même. Il se passe des choses. Aboutiront-elles ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Il faut dire que Lula, il est différent. C'est pas un nouveau, on va dire, c'est un autre Lula. Les Lula de 2003 à 2010, c'est pas les mêmes de 2023. Il a passé 580 jours en prison. Il a été salué tous les jours. Bon dia, président Lula, pour les centaires, pour une grande partie des centaires, donc de Paraná, qui étaient tous les jours en face de sa prison en train de les saluer 2 fois par jour. Donc, il a quand même compris qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment victime de ces systèmes. Donc, ceci dit, il vient de nommer donc plusieurs ministres, donc plusieurs femmes, même la ministre de l'Environnement.

pour répandre cette culture associative au sein des classes populaires. Eh bien, merci beaucoup Gérard Noiriel pour toutes ces explications. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Merci aux équipes de France Bleu Nord. Merci aussi à toute l'équipe. Ah oui, elles savent danser la carioca. C'est Jeanne Delecroix, Antoine Dudès, Jeanne Copet, Violette Ruiz et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.